morceau d'introduction, Thelonious Monk, qui joue Duke Ellington. Vous êtes bien sur Radio Monpaïs, il est 19h, passé d'ailleurs. Et vous écoutez l'émission Blood at Roots, votre émission mensuelle qui traite de jazz souvent, et puis d'autres choses, on l'a vu. Et donc Stéphane, cette semaine on parle de jazz toujours, mais jazz, avec ouais. Une petite particularité. Bah ouais, c'est une déclinaison du jazz, puisqu'on va parler, alors ça rejoint quand même la thématique, on parlait de jazz, mais c'est aussi la thématique sur les luttes, les oppressions, les peuples opprimés, etc., etc. Et là c'est un peu la jonction des deux, vu qu'on va parler de jazz et du swing jazz ou jazz manouche, je sais jamais l'appellation. Grosse partie durant l'émission dédiée au maître de cette musique, à l'inventeur Django Reinhardt, et puis une partie où on verra les héritiers ou un peu tout ça, quoi. Donc on retourne du côté du jazz. Ça commence dans la période des années 30. Ouais. Milieu des années 30, je pense. 30, 40, années 30. Ouais. C'est à cette période que Django Reinhardt nous régale de son swing, de sa musique manouche. Voilà, et donc du coup, on va évacuer la chanson, enfin celle certainement le tube le plus connu, on va le passer en premier, comme ça on pourra tranquillement explorer d'autres pistes, explorer d'autres thèmes, parce qu'il n'a pas un parcours si linéaire que ça en termes de musique. Django Reinhardt, il était aussi quand même précurseur sur d'autres styles de jazz dont tu as parlé au tout début. On va approcher, toucher du doigt, ou tu développeras peut-être plus le côté bebop, jazz modal, parce qu'il était là-dedans aussi, on a tendance à l'oublier. Tu me mets un peu la pression là. Ouais, je mets un peu la pression, mais t'auras le temps d'écouter tranquillou. Donc on commence tout de suite par le morceau référence de Django Reinhardt. Est-ce qu'il y a besoin de le nommer d'ailleurs? Non, tout le monde le connaît, on va envoyer et tout le monde s'y flottera tranquillement. Allez, un indice. C'était la bande originale d'un film de Cédric Clapiche, pour ceux qui connaissent. Voilà. Ouais. Allez, Django Reinhardt, c'est parti, c'est maintenant. C'est sur Blood at Roots. Thank you. exorcisé la première, le premier titre de Django Reinhardt, qui est aussi l'un de ses plus connus. Hein, et puis on a fait d'une pierre deux coups, puisqu'on a fait une petite erreur de programmation. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est pas... On peut passer à la suite. Voilà, c'est pour boire les reprogrammations. C'est pas du tout technicien est parfait, flegmatique, tout ce qu'il faut. Voilà, on a fait une petite blague, on a pas mis le bon numéro et ça est sorti. Belle pirouette. Jazz manouche, je reviens vite fait sur la notion manouche. Alors, on en avait parlé dans l'émission de novembre 2021. Sur l'exil, ouais, je vais te voir sur d'autres sites, sur notre fameux site Bouddha's Roots. On avait parlé sur l'exil, on avait parlé de différents peuples. Et donc, l'idée sur le jazz, enfin, vite fait, parce que c'est pas le but de l'émission, mais en fait, manouche, c'est donc le peuple rom, c'est une des branches, enfin, je bosse sur des branches, mais bon, du peuple rom. Alors, en fait, le nom, c'est originel, c'est les synthés, S-I-N-T-E, et donc, ils viennent d'Inde. Et c'est la branche qui a plutôt migré du côté Europe de l'Est, qui est passée par l'Europe de l'Est, pour, voilà, en Europe. Quoi. La branche gypsy qui est plutôt passée par l'Afrique et remontée avec les gitans par le Sud. Bref, on ne va pas refaire l'idée, on ne va pas refaire l'histoire, je veux dire, du peuple rom. On peut noter une chose, par contre, sur les synthés, c'est qu'ils viennent d'Allemagne. Et donc parce que en fait c'est un peuple qu'on trouve souvent en Alsace et ils avaient été persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale aussi. Hein. Enfin, oui, voilà, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. L'idée, enfin, quand on disait la rencontre jazz et aussi des peuples opprimés, qui est la thématique forte de Bouddha's Roots avec le peuple afro-américain, c'est vrai qu'on a tendance à oublier que voilà, le peuple rom a été avec le peuple juif. Mais, guerre mondiale, mais même dans les oppressions historiques ou rejetées, ou voilà quoi. Enfin, ça, on a tendance à le perdre de vue, mais c'est. D'ailleurs, dans Reinhardt, il y a le suffixe art qui est purement allemand. Enfin. C'est vrai. Et on en verra d'autres, effectivement, dans les héritiers qui ont aussi des noms à consonance, soit de l'Est, soit germanique. Et musicalement, la musique manouche, voilà, ça mélange un peu de. Bah un peu de tout ce qu'ils ont trouvé sur leur chemin. Parce que un bel exemple de métissage culturel, en fait. Alors on retrouve quelles influences dans ce qu'on appelle musique manouche, musique rom. Eh bien, il y a... c'est une bonne question. Je cherche, mais... Bah, notamment la musique... Alors, la musique d'Europe centrale, notamment le klezmer, qui est aussi la musique juive, il me semble. De la musette, de la chanson française, c'est avant tout. C'est avant tout. Et là-dessus, le jazz. Alors, est-ce que la musique manouche va alimenter le jazz, une autre forme de jazz, ou le jazz est venu se griffer sur la musique manouche? Je laisserai trancher. Moi, je ne le ferai pas. Mais voilà, l'idée, c'est aussi un peuple de rencontre. Quoi. Et donc, ça se fait culturellement. Moi, j'ai ma petite idée sur la question que tu poses. Django Reinhardt, il était assez friand des nouvelles musiques. Il y a le bebop en fait qui arrive en Europe, enfin le jazz qui arrive en Europe dans les années 30, à peu près quand il commence vraiment à se faire connaître. Et moi, je pense que Django Reinhardt était nourri justement de toutes ces musiques manouches qui sont le produit d'un message culturel. Et il a rajouté en fait du jazz là-dedans. Il a rajouté une bonne dose de jazz. Et je pense que dans le jazz manouche, la musique rom, elle est précursive en fait. Enfin voilà, bon, bref, petit point. Ouais, ben, enfin, de toute façon, c'est un aller-retour. Je veux dire, ça va dans le sens, parce qu'après, comme on verra avec le livre, il a fait des choses et que le jazz a repris. Quoi. On écoute un deuxième morceau, toujours Django Reinhardt, parce que la première partie de l'émission lui sera dédiée plus ou moins entièrement. Alors, c'est vrai que il ne faut pas perdre de vue qu'il bon, il y avait Django Reinhardt, mais il faisait partie du, notamment avec Stéphane Grappelli, du Hot Club Jazz. Donc il y avait plusieurs musiciens, enfin voilà. Mais c'est vrai que c'était quand même Grappelli et Reinhardt, les deux grands Manitou, entre guillemets, du jazz manouche et de cette musique des années 30, hein, clairement. On écoute Nuage. On verra que c'est un titre qu'on écoutera un peu plus tard dans l'émission aussi, puisque repris par Miles Davis, d'une autre manière, avec Django Reinhardt. Et on reparlera aussi de l'apport qu'il a fait à Django Reinhardt par rapport à cette chanson, entre autres. Nuage, donc, deuxième morceau de Django Reinhardt. Alors c'est marrant cette version de Nuages parce qu'on y entend de la batterie, ce qui est assez rare en fait pour du jazz manouche. Oui, alors vas-y, dis en plus sur justement sur la structure, enfin la structure, la composition du groupe, ouais. Groupe de jazz manouche. Bah, je dis que c'est une version. Je pense pas que ce soit la version originale de Nuages parce que justement l'idée du jazz manouche, c'est que on abandonne l'idée de percussion. Enfin. On n'oublie pas l'idée de percussivité, enfin je sais pas comment on dit, mais l'idée c'est percus. Que la guitare va mimer en fait le son des balais de batterie à travers une technique qui s'appelle la pompe. C'est la guitare qui va faire en fait la rythmique sur des guitares un peu typées. Alors on appelle ça des guitares Selmer pour les puristes, avec une rosace en forme de D, avec ce qu'on appelle la grande bouche, et qui permet de projeter beaucoup de basses et de médiums graves. Et donc ça va mimer un peu ces balais de batterie qui frottent dans le jazz. Typique du jazz. Ouais. Voilà. Et donc c'est pour ça que je trouve ça étonnant sur cette version. Et c'est pour ça qu'on avait l'impression que c'était plutôt un morceau jazz classique, quoi, parce que justement il y avait cette percussion au ballet. Absolument. Et donc dans les formations de jazz manouche classique entre guillemets, on trouvera plutôt deux guitares, un violon, peut-être de la clarinette, mais en fait très très rarement des percussions type batterie ou autre. Et là on revient sur ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire l'apport, enfin l'influence de l'Europe de l'Est en fait. De ces groupes, ouais, avec, comme tu disais, clarinette, corde, violon. Quoi. Enfin, mais il y a une raison à ça aussi, le fait qu'il n'y ait pas de batterie, c'est que c'est des gens du voyage, donc c'est des gens qui sont pas sédentaires. Quoi. Et puis tu ne t'emballes pas avec ta batterie, on est bien d'accord. Exactement. Puis ça prend de la place, c'est lourd, etc. C'est loin à monter, enfin ouais. Bref. Là, on parlait au début de John Greenhart, comme quoi c'est pas forcément, contrairement à ce qu'on peut penser, une carrière. Enfin, c'est pas jazz manouche et une carrière linéaire, c'est-à-dire que il y a eu la rencontre avec le jazz, les deux musiques. Et bon, c'était quand même une pointure. Et une pointure aussi aux États-Unis. Hein. Et du coup, il était invité à jouer aux États-Unis, notamment avec Duke Ellington. Mm-hmm. On va écouter un morceau après, un morceau Honeysuckle Rose, enregistré à Chicago en 1946, où donc du coup Django Reinhardt jouait avec Duke Ellington. Selon nos informations, nos informateurs bien informés, c'est pas super bien passé cette tournée aux États-Unis. Ouais, il en sort un peu déçu, ouais, pour plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est que Duke Ellington en fait va le faire jouer plutôt en fin de concert, alors qu'il se voyait comme un grand concertiste. Il va avoir du mal à se faire à la discipline très stricte des big bands de jazz sur place. Et puis une deuxième raison, c'est il parle pas anglais, bon ça c'est. Et une troisième raison, c'est qu'il pensait rencontrer les grands jazzmen de l'époque, Thelonious Monk qu'on a écouté d'ailleurs, qui est notre musique d'introduction, et puis d'autres comme Miles Davis, je pense. Ouais, et en fait, il les rencontrera pas parce qu'ils étaient tous en tournée à ce moment-là. Quoi. Enfin, donc voilà. Il y a plusieurs raisons à ces déceptions, on le comprend, et puis au final il va rentrer. Mais intégrer quand même finalement ses influences. Donc tu faisais allusion à ça tout à l'heure, des influences un peu neuves dans le jazz, comme le jazz modal. Il reconnaît aussi, parce que les spectateurs qui allaient le voir, c'était quand même. Enfin voilà, comme on disait, c'était une pointure internationale quand même. Mm-hmm. C'était pas qu'à la France. Quoi. Du coup, on va écouter ce que ça donne. Là, ils rencontrent Duke Ellington, ils sont sur scène. Honeysuckle Rose, Chicago, 1946. Thank you. Django Reinhardt et Duke Ellington donc durant la tournée en 46 de Django Reinhardt aux États-Unis. Donc du coup, comme l'expliquait Pierre-Julien, après voilà, il n'est pas super content comme ça, ça se passe, mais du coup ça entraîne un léger détachement par rapport à la musique, une forme de pause. Mais il reviendra sur d'autres aspects, notamment du jazz. On y reviendra un peu plus tard dans l'émission parce que durant sa pause, bah, finalement, Pierre-Julien vous fait faire un petit tour du monde à la Django Reinhardt. Et c'est là où on allie le fond et la forme. C'est-à-dire que Django fait une pause et on en profite pour faire une petite rubrique entre parenthèses. Et on vous propose de faire un petit tour du monde avec Django Reinhardt. Et on va commencer en partant de Paris par aller vers l'Est avec un morceau qui s'appelle Hungaria. C'est un retour aux sources. Et qui évoque la musique des pays de l'Est à travers ce nom de hongrois, quoi, finalement. Hungaria de Django Reinhardt. Hungaria, on va continuer ce petit tour du monde en partant un peu plus à l'est vers l'Orient, précisément avec le Oriental Shuffle, toujours de notre ami Django Reinhardt. Thank you. Alors voilà, on est après la Hongrie et l'Orient, à l'est encore du nouveau, puisqu'on va progresser. Alors on va faire un grand saut vers le Japon, et on se dirige vers Nagasaki avec le bien nommé Nagasaki, toujours de Django Reinhardt. Drink nothing, folks, but that is night. Back in Nagasaki, where the brothers do the back and a women wiggy wacky woo. They got a way to entertain with hurry, hurry, hurricane. Back in Nagasaki, where the brothers do the back and a women wiggy wacky woo. Fujiyama got your mama, then the troubles increase. Semicola and the soda, her shake, milkshake, 10 cents a piece. They hug you and kiss each night, boy, jingle, it's worth the price. Back in Nagasaki, where the brothers do the back and the women wiggy wacky woo. Débat intéressant, on était en train de dire que c'était des morceaux assez courts et en fait on disait que c'était lié à une limite technique de l'époque, hein, parce que bon, on pouvait pas enregistrer des morceaux sur des bandes qui faisaient 3 minutes, 3 minutes 50 maximum. Et on verra plus tard que aujourd'hui les morceaux des héritiers, ouais. Bon, on verra ça plus tard, mais ça peut durer jusqu'à 4-5 minutes, parce que les mecs ils font plaisir. Ça, on va se faire plaisir. Et la limite technique, elle a sauté. Donc. Mm. Bref. Pour revenir à notre tour du monde, on est passé par la Hongrie, par l'Orient, le Japon avec Nagasaki. Et on va traverser le Pacifique pour se diriger vers le Brésil avec le bien nommé Brésil. Tout simplement. Tout simplement. Il a inventé la bossa nova aussi. Oui, oui, oui. Mais la question, il a inventé la bossa nova aussi, Django Reinhardt après. Non. Il n'a pas inventé la bossa nova, mais par contre, le jazz manouche s'inspire de rythmes parfois différents. Il y a de la valse, effectivement, il y a de la bossa nova, il y a du blues, la il y a des choses comme ça. Quoi. De la musette. C'est ce qu'on a vu en début d'émission. Voilà. Ah oui, c'est vraiment une éponge et après... qui remettent à leur sauce. Mmh. Bah, c'est le grand avantage du jazz, c'est que c'est une musique improvisée. Après, tu peux partir de n'importe quelle base. Du moment qu'il y a de l'improvisation, ça reste du jazz. Mmh. Comme ce que tu es en train de faire, là, tu improvises carrément. Quoi. Exactement. Un peu de jazz. Et l'improvisation est terminée. On part au Brésil avec Django Reinhardt. Thank you. on arrive presque à terme de notre tour du monde avec Django Reinhardt, puisque bon, là, je vais le répéter une fois, on est passé par la Hongrie, par l'Orient, par le Japon, par le Brésil, et maintenant on va finir par traverser l'Atlantique, étape finale en Espagne, avec Echoes of Spain, des réminiscences de gamme espagnole, à travers un morceau un peu plus intimiste qui démontrera en fait la virtuosité et le son de la guitare de Django Reinhardt. Echoes of Spain, c'est tout de suite. Voilà le tour du monde djangonesque, on va dire ça. Après, pareil, Papier Julien, il est arrivé à l'étape de fin, Django Reinhardt, sur le coup, en Espagne. Et il reste plus qu'à prendre un petit train ou un bus Macron vers Paris, et puis le tour du monde se termine, quoi. Ok. Pardon. Non, mais c'est bien. Donc alors c'est quoi la suite après ce tour du monde? La suite, on reprend le déroulé un petit peu. On avait vu qu'il y avait eu une légère déception après la tournée américaine. Mais quand même, on va rester sur... Là, on va voir le côté un peu plus l'apport jazz et par rapport notamment à deux grands mouvements de jazz, bebop et modal. On va commencer par une chanson, donc Flèche d'or. Alors, je vous lis ce que j'ai noté, parce que je ne suis pas un expert, et après, par contre, vous, en tant que technicien et guitariste, les deux, là, vous pourrez débattre et expliquer ce qu'il en est. En fait, Dans le morceau qu'on va écouter, donc Flèche d'or, il illustre un peu l'apparition de nouveaux concepts, notamment en structure. C'est-à-dire que, alors là, on y va franco. Hein. Structure en AABA, d'accord, avec un pont doublé. Et là, ça rigole plus, parce que c'est du AABBA. Et cette structure-là, elle est très inhabituelle pour l'époque. Pourquoi, Pierre? En fait, ce qu'il faut dire surtout, c'est que, enfin, je pense qu'il utilise en fait surtout une progression harmonique qui est vachement inhabituelle. Et voilà. Il va partir sur un accord unique qui va augmenter d'un demi-ton ou abaisser d'un demi-ton, je ne sais plus exactement. Pour donner une idée à l'auditeur, c'est ce qu'on retrouve chez Miles Davis quand il va sortir son album Kind of Blue sur son titre peut-être le plus connu qui s'appelle So What. Merci Mathieu de m'avoir rappelé le nom du titre. Et Miles Davis, on va y revenir après. Mais là, on continue la technique. Hein. C'est-à-dire que la principale innovation, en fait, elle réside dans le fait qu'il n'utilise qu'un seul accord sur la section A, un si mineur et un seul autre accord pour la section B, un mi septième. À une époque où les boppers, donc bebop, ont tendance plutôt à ajouter des accords. Tu confirmes ça? L'idée du bebop, en fait, c'était de libérer la virtuosité, de faire des phrases qui dépassaient un peu le cadre des phrases classiques, et surtout d'ajouter des accords, de la rapidité. Enfin, on pense directement à Charlie Parker, qui est le bopper le plus connu, le plus reconnu, d'ailleurs qui est quasiment vénéré par beaucoup de jazzman. Et à l'inverse, le jazz modal qu'inventera, alors que je ne sais plus s'il l'a inventé ou s'il va le formaliser, le Miles Davis, en fait, ça va donner une musique qui est plus aérienne et qui en fait se débarrasse justement de, alors non pas de la virtuosité, mais de tout cet embâge d'accords qui se superposent les uns aux autres. Voilà. Et d'ailleurs, le bebop trouvera, je pense, son... Enfin, le fait de rajouter des accords pour vraiment faire une musique rapide, technique, etc., ça trouvera son apogée dans le hard bop, notamment avec un jazzman dont je ne citerai pas le nom, parce que je l'ai oublié. Ça va trop bien. Ouais. Coltrane, ouais, voilà. Coltrane, oui. Voilà. Bon, voilà, c'est un peu l'idée qu'il pourrait y avoir, je pense, dans la recherche de nouveautés dans le son de jazz de Django Reinhardt à ce moment. Il va se dire, bon, on va faire autre chose. C'est ce qu'il fait avec Flèche d'or. Donc on va écouter le morceau et on verra justement ensuite, par rapport à ce que tu disais, c'est la transition Flèche d'or, c'est bebop, et ça va annoncer justement ensuite le jazz modal. Donc on écoute Flèche d'or et après on parlera jazz modal Django et Miles Davis, et on verra justement la différence. Flèche d'or de Django Reinhardt. Thank you. Donc là, c'était le côté. Alors tout de suite, hein, t'as fait un bond dès que t'as entendu les premières notes. Ouais, t'as dit bebop. Bebop. Ouais. Ouais. Ah bah c'est un flow particulier quand même, le bebop. Hein, ah oui, ouais, bah oui, carrément. Et donc du coup, là, on va attaquer sur la notion plutôt jazz modal. On va enchaîner sur avec deux morceaux de Django Reinhardt. Donc qui annonce le jazz modal. Donc il y aura dans un premier temps appel indirect. Dans un deuxième temps, il y aura douce ambiance. Je crois que 200 ambiances, c'est mon avis perso, mais j'adore ce morceau. C'est rigolo parce que les deux titres font un peu référence à cette ambiance particulière qu'il y a dans le jazz modal, hein, j'ai l'impression. Bah voilà. Donc c'est rigolo. Et on finira par justement, alors là pour le coup, ce que tu expliquais, c'est-à-dire un morceau qu'on a déjà entendu, donc Nuage, repris par, entre guillemets, l'inventeur du jazz modal, qui est Miles Davis, mais avec featuring, comme ils disent, Django Reinhardt, donc qui va jouer avec lui. Et on verra, enfin... c'est pas une... Comment dire, il intervient, enfin il joue, mais pas de manière solo, désenvolée solo, mais plus justement de ce qu'on disait hors antenne sur la sonorisation de la guitare, en fait. Sur, vous verrez quoi. Donc là, c'est le côté enchaînement jazz modal. Je sais pas si tu veux parler un peu plus du jazz modal, sur définir un petit peu pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis 2000. 2014 qu'on fait l'émission. Ouais. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire ça prendrait des heures et en même temps si je voulais l'expliquer regarde il se barre en plus. Il y a la musique tonale et puis il y a la musique modale quoi. Donc dans la musique tonale on utilise les gammes, la gamme majeure ou mineure principalement. Et puis dans la musique modale on utilise les modes. Alors pour la gamme majeure il y a 7 modes et pour la gamme mineure il y a 7 modes. On part de chaque fois d'une note différente dans les gammes mineures ou majeures. Enfin bref, c'est un peu technique, on s'en fout. Non, on s'en fout pas tant que ça parce que c'est bien expliqué. Oh merci, c'est gentil. Voilà. Mais je suis sûr que tu me fais un peu plaisir là. Non, on veut capter. Et... Bah, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la musique modale, elle est différente de la musique tonale en ce sens où c'est une musique qui apporte des couleurs différentes en fonction du mode qu'on va utiliser dans les tonalités qu'on utilise. Voilà. Ouais. Il va y avoir un mode qui sonnera joyeux, un mode qui sonnera triste, un mode qui sonnera oriental, un mode qui sonnera hispanisant, un mode qui sonnera un peu dark. Enfin bon, voilà. C'est ce que je peux dire. Après, bon, j'ai pas envie trop de rentrer dans la technique, mais il y a des couleurs selon le mode qu'on va utiliser en fait. Et donc voilà. On va voir les différentes couleurs que va nous proposer Django Reinhardt avec donc douce ambiance, appel indirect, et puis après. Alors douce ambiance, c'est celui qui est avec deux accords là dont tu parlais. Il y a un accord sur une partie, puis un deuxième accord sur l'autre. Ouais, je pense que ça, mais il faut que je réécoute en fait. Je ne peux pas te répondre comme ça. Bon, parce qu'il y a une des chansons, si c'est ce dont tu parles où il y a deux accords. Allez, pour les techniciens, on va y aller. On va dérouler les trois morceaux. Ouais. Et justement, après, c'est peut-être intéressant que tu reviennes justement sur si parmi ceux-là, il y en a un qui. Tu vois, comme j'ai retourné le truc, il me fout la pression encore. Ouais. Donc, douce ambiance, appel indirect, et après Nuage, la version de Miles Davis avec. Django Reinhardt. Thank you. Voilà sur la sur les trois chansons alors qui se rapprochent du jazz modal. Du coup, sur les deux tons de tonalité, c'était ça. C'était la deuxième, je pense, qui s'appelle donc, du coup. Appel indirect. Appel indirect. Appel indirect. Ouais, ouais, là, ça, là. On est sur du modal. Il y avait deux accords en fait. Il y avait deux accords et en fait la technique pour que ça sonne modal, c'est qu'il va utiliser un mode qui s'appelle mixolydien. Ça, c'est voilà. Un truc de puriste et technicien. Là, on y est. Par contre, vu qu'on est sur la technique et qu'on est en train de finir, finalement, il est 20h, on a dédié une heure d'émission à Django Reinhardt. On va passer à la suite. Mais du coup, pour finir en termes techniques, il y avait la particularité aussi du jeu qu'il a fallu qu'il invente suite à l'incendie provoqué dans sa roulotte. Et du coup, il avait les doigts qui étaient abîmés. Il avait dû développer une technique particulière justement pour jouer. Il avait subi des brûlures importantes. Je n'ai pas tout le détail, mais surtout, puisqu'on parle de musique, il avait subi des brûlures importantes au niveau de sa main. Et donc, on peut imaginer, et on le voit d'ailleurs sur des photos d'époque ou même sur des vidéos, c'est qu'il avait un doigt qui était un peu affaibli par ses brûlures et donc il jouait à 2-3 doigts maximum il a développé une technique à 2-3 doigts tout en gardant une virtuosité quand même sans précédent. Et d'ailleurs tout à l'heure Mathieu tu disais en rigolant qu'il y avait même des gens des jazz manouches qui pestaient en disant que même avec leurs 5 doigts ils n'arrivaient pas à atteindre la cheville de Django Reinhardt. Bon voilà, on peut en rire même si ça reste dramatique évidemment pour notre ami Django. L'heure est écoulée. L'heure est écoulée. Le temps sort, cher Julien, sort. Non, je parle de Django Reinhardt, parce qu'on va faire on va voir la suite, ça, même si forcément ça reste le maître, comme tu disais, considéré comme le dieu du jazz. Du jazz manouche. Alors au swing jazz aussi, non? C'est jazz manouche, swing jazz, c'est un peu pareil ou, le swing, c'est un style de jazz à part entière. C'est avant le bebop, en fait. Le swing, on avait fait l'émission, il me semble, on avait parlé. C'est les big bands. C'est les big bands, voilà. Et du coup, là, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé après, ou pendant, en même temps, ou légèrement après, avec ceux qui ont repris le flambeau du jazz manouche, notamment en termes de technicité. On va commencer par Sarah Lazarus, mais accompagnée par Biri Lagrène. Alors, Gypsy et de Gypsy Project. Alors Biri Lagrène, il est passé il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près un mois de ça à la Hologram à Toulouse, un dimanche après-midi. Donc la chanson s'appelle It's All Right With Me. Particularité, alors à voir sur la suite, mais pour le coup, sur une heure de chanson, de musique, ça sera le premier morceau chanté. Je sais pas si vous avez percuté qu'on n'avait entendu que du son musical, je dirais entre guillemets. Donc là, c'est le jazz. Hein. C'est le jazz. Et là, pour le coup, ça va être chanté. Donc Sarah Lazarus, Biri Lagrène and the Gypsy Project, It's All Right With Me. Et c'est le début de notre de la deuxième émission, on va dire le deuxième l'opus 2 sur les héritiers. T'as progressé en anglais, toi, non? J'ai fait des cours intensifs. J'ai des tutos sur YouTube et tout ça. Allez, il est plus gentil le technicien. It's the wrong song in the wrong style. Although your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not his smile, but such a lovely smile. It's all right with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you wanna forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. And they're not his lips, but they're such tempting lips that it's all right with me. The wrong song in the wrong style. Though Your lips are charming. It's the wrong smile. It's not his smile. But what a lovely smile. So it's all right with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. Lazarus, Biréli Lagraine. J'aurais pas dit autrement. Sarah Lazarus et Biréli Lagraine, c'est exactement pareil. Donc voilà pour la première chanson des ce qu'on appelle les héritiers de Django Reinhardt. Pour le coup, là, on va enchaîner avec un autre grand guitariste. Là, c'était Biréli Lagraine avec deux chansons. Donc c'est Angelo De Bar. La première, c'est Swing Gitan. Pour le coup, on est dans la thématique de l'émission. Et la deuxième, est-ce que... Non, il est concentré sur sa technique. Deuxième, qui est apparemment un standard, c'est Never Be Another You, c'est ça ? Voilà. Donc, il n'y aura pas d'autre que toi, c'est ça ? Ouais. Il n'y en aura jamais d'autre que toi, me souffle discrètement Mathieu, qui a choisi ce morceau. Pour qui tu l'as choisi, Mathieu, ce morceau ? Pour sa femme, c'est tellement mignon. Donc, Femme à Mathieu, le morceau deuxième, il est pour toi. On commence donc par le Swing Gitan, Angelo De Bar, et le morceau de la Femme à Mathieu, qui s'appelle d'ailleurs, parce que c'est comme ça. C'est... Voilà, c'est parti. Thank you. Voilà, donc là, c'est dans la rubrique des héritiers, c'était le passage Angelo de Bar, donc avec deux morceaux, dont un pour Clotilde. J'ai réussi parce qu'il y a un problème sur le nom. Clotilde, si tu nous écoutes, big up. Voilà. Voilà, c'est l'idée. C'est l'idée. Et c'est trop mignon. Et on enchaîne sur d'autres héritiers. Donc là, pour le coup, c'est le trio Rosenberg. Avec deux morceaux du trio. Donc d'abord Caravane. Et le deuxième, Mathieu, parce que je ne l'ai pas en tête. Blue Bossa, donc là on repart au Brésil. Donc ça, voilà, c'est. Alors les Rosenberg, c'est un des plus populaires du jazz manouche, hein, un des groupes les plus populaires. Ils sont connus au niveau international, composés de Noni Rosenberg, alors excusez-moi pour les prénoms si j'écorche, de Nouche Rosenberg et de Stochelo Rosenberg, qui est le cousin, les deux frangins et le cousin. Et voilà, quoi, on va simplement les écouter. Et à la fin, on finira par un morceau. On va tout envoyer, je pense. Les deux morceaux Rosenberg, et à la fin, on finira par un morceau où on retrouve, pour le coup, Stochelo Rosenberg, Angelo de Bar qu'on vient d'écouter, et Berylly Lagraine qu'on a écouté au début, qui sont réunis sur scène pour jouer un morceau de qui ? De Django Reinhardt, qui s'appelle Les Yeux Noirs. Donc voilà pour la séquence, deux morceaux du trio Rosenberg, et à la fin, Rosenberg, Debar et Lagraine qui reprennent un Django Reinhardt. Ça dure pour le dernier morceau 8 minutes et ça part. C'est un peu stratosphérique. Ou comment tu disais, Mathieu, déjà, qui joue et... Il a osé. Est-ce qu'on peut le dire ? Non. Voilà, Mathieu dit il se branle. Bon. Ce qui n'est pas totalement faux, parce que je pense qu'il y a une part de démonstration technique aussi chez les héritiers, mais le mot est un peu fort évidemment. Mais, Oui, non mais Mathieu, il est très peu fréquentable. Mais ce qu'on disait off avec Mathieu, c'est que c'est ce qu'on retrouvait dans le jazz, en fait, quand les mecs ils faisaient leur. Et qu'on retrouve dans le rap, quand c'est les luttes, les fights, enfin je sais pas comment on dit, mais quand ils se provoquaient à la trompette, qu'ils se provoquaient au sax, et ben c'était de la démonstration technique. Voilà, c'était montrer sa technique, son inspiration ou autre. Et autre chose maintenant, c'est à la guitare. Et les trois, c'est puissant. Hein, vous verrez ça dans deux chansons. C'est extrêmement puissant. C'est parti. We'll be right back. Voilà, donc alors on n'a pas tout à fait fini sur les héritiers, mais là voilà, c'était le morceau, donc Les Yeux Noirs avec Biri Lagren, Angelo De Bar et Stochelo Rosenberg. On va clôturer avant de passer à ta dernière rubrique, Pierre-Julien, avec un dernier héritier, Mathieu. Pour le coup, tu vas nous présenter le morceau, vu que. Alors je me rappelle, est-ce que vous m'entendez? Du nom, c'est À les femmes. Plus qu'on se demandait qui était le compositeur de ce morceau. Et pour le coup, l'interprète. Biel Ballester. Un guitariste espagnol qui fait partie des héritiers. Je connais pas plus que ça. Ouais ou non, je dirais peut-être catalan, tu vois. Je me mouille, mais je sais pas. On m'aura confirmation à un ancien d'ici. Allô Benoît. Donc on y va. C'est parti. C'est parti. Pour les femmes. Biel Ballester, À les femmes. Ah les femmes. Il faut le dire avec de l'emphase. Blues at Roots, donc spécial jazz manouche, avec une première heure dédiée au grand maître Django Reinhardt et une deuxième heure plutôt à ses héritiers, ses héritiers ou si ses descendants ou ses pèlerins. Ses pèlerins, ses adorateurs. C'est de tout. Ouais. Bon, on pourrait partir dans les adjectifs amélioratifs. Dont on fait partie, hein, ses adorateurs. Donc clairement. 20h40, on passe des héritiers à au côté un peu plus familial, enfin lien familial quand même. On va boucler la boucle. On va revenir sur Django Reinhardt et en fait élargir au Reinhardt, au pluriel, avec les Django monimes. Petite rubrique spéciale. Les Django monimes, voilà. Là, je pense que c'est une rubrique qu'on va faire tous les mois. C'est le nom. Donc voilà, je vous propose de découvrir un peu l'entourage de Django Reinhardt, rapproché. Alors, il y a un homonyme qui sera un homonyme heureux, on va dire, et puis trois autres qui sont des affiliés directement à Django Reinhardt. On va commencer par notamment un de ses frères, qui était aussi un guitariste de Manouche, hein, qui a joué pendant longtemps d'ailleurs avec Django Reinhardt, avant de s'en affranchir, on va dire. Et qui s'appelle donc qui a appris à jouer avec Django, qui s'en est émancipé et qui a eu l'occasion de jouer avec un jazzeux dont on a eu l'occasion de parler dans Blood at Roots, Coleman Hawkins, et qui s'appelle Joseph Reinhardt. Donc il est mort en 82, donc il est plus tout à fait contemporain, mais ça reste pertinent dans le cadre de notre émission, et donc j'ai choisi le titre Bric-à-Brac, et en l'occurrence un live qui date d'à peu près 1955. Joseph Reinhardt, Bric-à-Brac, c'est maintenant dans Blues at Roots. Donc c'était Joseph Reinhardt, le frère de Django Reinhardt, un peu moins virtuose que son virtuose de frère, mais néanmoins compositeur et arrangeur de jazz manouche talentueux. Voilà, donc dans les Django homonymes toujours. Django homonyme. Non, c'est bien. Mais en fait, ça fait référence à un morceau de Django Reinhardt lui-même qui se nomme Djangology. C'est vrai. Voilà, donc ne me remerciez pas. Dans la famille Reinhardt, j'aimerais tirer cette fois-ci le fils de Django, que Django Reinhardt a affublé d'une guitare dès ses 3 ans et qui s'appelle Baby Reinhardt. Bon, pareil, il est tout à fait contemporain puisqu'il est mort en 2001, à un bel âge. Et on va écouter sa mélodie pour Stéphane, ce qui me laisse l'occasion de faire un petit focus sur Stéphane Grappelli, dont on n'a pas cité le nom une seule fois dans cette émission. Bah non. Si, alors on l'a cité. Alors là, non, je te prends. Autant pour moi. Là, non. Autant pour moi. Je rejette tout à fait cette affirmation. On en a parlé au début, qu'on a parlé du jazz. On a même expliqué que c'était quand même eux deux qui faillaient. Que très souvent, justement, ce que tu allais dire, en fait, tout simplement, que très souvent on parle de Django Reinhardt et on a tendance à mettre de côté Grappelli qui lui a apporté... qui a été au moins tout aussi important dans l'émergence du jazz manouche. On est bien d'accord. Un violoniste virtuose, ce qui a... Enfin, et en plus, dans le jazz des violonistes, à cette époque, on en croise assez peu, je pense, finalement. Et parce que, bon, les violonistes, on les croise beaucoup dans la musique classique, etc. Mais dans le jazz, c'était assez... voilà. Violoniste virtuose, donc. Et donc, on va écouter cette mélodie pour Stéphane, entre parenthèses Grappelli, de Baby Reinhardt, le fils de Django. C'est tout de suite dans Blue Dot Route. Thank you. donc c'était Babi Kreinhardt, de son vrai nom Jean-Jacques. Parce que Babi, évidemment, c'était trop beau pour être vrai. Non, c'est pas ce que je dis. C'est plus chrétien, on va dire. bref, on s'en fout. Et donc, toujours dans les Django homonymes, la carte suivante, c'est David Reinhardt, qui lui est contemporain, puisque c'est un petit-fils de Django Reinhardt, donc le fils de Babi qu'on vient d'écouter. Babi ou Jean-Jacques, c'est selon. Et lui, son premier concert, il l'a fait à 6 ans, accompagné de papa. De Babi Kreinhardt. Voilà, la transmission, hein. Ouais, il y a une transmission orale qui est assez forte, je pense, dans ces communautés au Rhum, etc. Et c'est intéressant de voir que, Django Reinhardt a inventé quelque chose et ça s'est perpétué. Il y a une tradition qui s'est instaurée. La tradition, on la retrouve aussi avec Angelo De Bar, où il y a aussi, quand il concerte, souvent la rythmique, c'est son fils qui fait la guitare rythmique. Absolument. Et donc, toujours dans la famille Reinhardt, on pioche David, qui a monté son trio en 2008, le David Reinhardt Trio. Chose plus étonnante, on parlait tout à l'heure en off, qu'il y avait un truc lié à la religion. Il s'est inscrit en 2020 dans une école publique pour prêcher la bonne parole en tant que pasteur. Alors, je ne sais pas s'il en est encore sorti, quelle est son actualité, mais toujours est-il qu'on va écouter un de ses morceaux qui s'appelle Hanuman. Et on écoute ça tout de suite. Donc David Reinhardt, Hanuman. Et on vous dit à tout de suite. C'est vrai que c'est des morceaux qui sont très courts d'ailleurs. Ça a surpris Mathieu. Mais moi-même, j'ai été vachement surpris. Toi-même. Toi-même. Toi-même, t'étais surpris. Ouais, moi-même, j'ai été surpris. J'ai une question pour Django Reinhardt. Allez, vas-y. Allez, on y va. Sans filet, sans rien, on revient sur Django Reinhardt. Il a engagé un jeune accompagnateur avec qui il a joué pendant 2 ans. T'as un nom qui est devenu après une célébrité, un grand chanteur français. Enfin, attends, moi, je connais pas trop. Répète-moi la question. Il a engagé un jeune accompagnateur à une époque. Des années 37, 35, 36, 37. Jeune accompagnateur, qui est devenu une grande star de la chanson française. Je ne connais pas forcément trop ces chansons. J'ai pas. T'as pas ? Non. C'est quoi ? Henri ? Voilà. Voilà, c'est, okay. C'était la petite anecdote, c'était le plus petit quiz. Y a pas, ça y a colle pas au niveau Julien. De l'âge et de, voilà. De la génération. Voilà, il n'y a pas Julien, donc je voulais faire un petit quiz en hommage à Julien. Voilà, donc il a joué, enfin il a engagé, il a mis le pied à l'étrier, Henri Salvador, Django Reinhardt. Et on va terminer cette émission là-dessus. Je pense que Mathieu, tu vas pouvoir lancer notre chanson de Thelonious Monk pour clôturer l'émission et puis on va présenter l'émission on suivante. On avait dit plutôt le Lacho. Histoire d'aller voir la Sainte Sarah. Ben là, dans une minute, c'est fini. Et ben, donc, si tu fini. As le premier morceau que tu trouves, soit le Télé News, soit tu vois Chavalo et Dorado Schmidt, Cali Sarah, en hommage à Sainte Sarah des Saintes Marie de la Mer, qui est quand même l'icône manouche gitane Rome. Nous, on se retrouve dans un mois pour une émission totalement... Partage en vrille, d'après... Partage en couille même, si j'ose le mot, cette émission va être démonétisée. Tout à fait, alors l'organisateur de cette émission, c'est Mathieu, et l'idée globale, c'est les artistes, enfin les chanteurs, qui sont partis en vrille politiquement, hein, à la base. On fera des discrétions par rapport à tout ça. L'idée, c'est quand même des artistes, des musiciens, des chanteurs, groupes, qui déparaient des... sociale, gauche, qui aurait fini, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Employons les mots qui vont pas tourner. Ou des gens qu'on pensait pas de droite et qui en fait se sont révélés être de sacrés salauds. Donc on fera ça, il y a quelques Mathieu, je te vois rire dans la régie, mais est-ce qu'en exclusivité on peut avoir un nom ou deux, peut-être ? Je pense qu'on va parler de Eric Clapton, Morrissey. Pas mal comme teasing. Déjà peut-être Renault, bien sûr, pour faire plaisir à tout le monde. Il y aura des bas. Alors, en tout cas, merci Mathieu pour la technique. Il y aura des hauts aussi. Il y aura des hauts, c'est ta préférée. Merci Mathieu pour la technique. Merci Père Julien pour... Merci pour Stéphane d'avoir préparé cette émission aussi. Oui, toi aussi. Main de maître. Pour la petite touche technique qui est toujours très intéressante. Merci à vous de nous avoir écoutés aussi. Et on se rejoint le mois prochain pour une nouvelle émission de Blue Dat Roots. Bonsoir. Thank you.